Parlez-moi d'amour. La saison a débuté sur les chapeaux de roue. L'atelier tourne à rendement maximum. Il faut fournir toutes les boutiques de souvenirs de la Côte d'Azur. Dudu, le représentant, vient carrément chercher les commandes à domicile. Il fait les livraisons dans son petit bus Volkswagen. Celui-là même qu'il a adapté à ses besoins quand sa femme a menacé de le mettre à la porte. Ils se sont rabibochés depuis, pour les enfants. Mais Dudu, prudent, a gardé sa maison mouvante opérationnelle. On ne sait jamais. En attendant, maman, qui avait encore le secret espoir d'apparier sa fille, voit ses efforts piétiner. Après avoir chargé son véhicule, Dudu accepte un café. Comme les colporteurs d'autrefois, il divertit l'assemblée. Et cette fois, il y a de quoi. Figurez-vous qu'un petit malin a trouvé moyen, avant-hier, de dévaliser les coffres de la Société Générale de Nice, en passant par les égouts. 200 millions, il y en avait, précise-t-il, quadruplant allègrement le butin présumé. C'est pas un exploit, ça, poursuit-il avec une pointe d'envie. Maman et Faustine acquiescent, indépendamment de tout principe moral. Faustine, en fervente admiratrice d'Arsène Lupin, adore les coups ingénieux. Ni armes, ni violence, et sans haine, comme l'a tagué le cambrioleur sur le mur de la salle des coffres. La police cherche toujours le cerveau qui demeure introuvable à ce jour. On ne connaît même pas son identité. Faustine bosse de 7 à 19 heures. Elle s'autorise une demi-heure de sieste sur le canapé du salon après le déjeuner. En ce moment, elle a souvent le blues. Bernard lui manque, il ne lui écrit pas, elle non plus, ne voulant pas rajouter à son cafard. De son côté, maman n'encourage pas la confidence. Bernard est devenu sujet tabou en un temps record. Moins on en parle, plus vite il sera oublié, semble-t-elle penser. Maman est très douée dans l'art de traiter les préoccupations des autres par le mépris. Surtout quand les autres, c'est Faustine. L'autre jour, elle a ri d'un fait divers évoquant une quinquagénaire délestée de toutes ses économies par un marlou qui lui avait promis le grand amour. Non mais sans blague, comment a-t-elle pu croire un seul instant qu'un mec de 30 ans la courtisait pour ses beaux yeux? Tu parles d'une prétention. Elle a rajouté. En tout cas, elle n'a que ce qu'elle mérite. Tout flatteur vit aux dépens de celle qui l'écoute. Tu vois, il y a des hommes qui font profession de suborner ces dames terrifiées par la solitude. Des femmes immatures qui se comportent comme des gamines. Elles ne savent rien faire d'autre que séduire pour exister. Parfois, la facture est salée. Faustine ne peut s'empêcher de réagir. Quand même! L'amour, ça existe, non? Évidemment que l'amour existe, même celui avec un grand A auquel tu rêves. Mais celui-là se construit jour après jour, mûrit en même temps que les protagonistes. Il se travaille, ce qui est loin d'être facile, tu verras. Quand tu le rencontreras à 25 ou à 50 ans, tu auras l'impression d'en avoir 15, et ce sera normal. Mais après, vous évoluerez ensemble, ton amoureux et toi. Vous le nourrirez, vous l'enrichirez, cet amour. Et si un jour tu devais rester seul, tu sauras survivre sur sa lancée et continuer à avancer. Et je ne tomberai plus jamais amoureuse? Bien sûr que si. Et tu auras beaucoup à donner à ton nouvel amour. Mais ça sera un amour réfléchi, pas un simple exutoire physique ou un assujettissement économique, parce que tu n'auras pas peur de vivre seul. Ainsi, si tu es sollicité, tu pourras choisir. À partir d'un certain âge, les hommes intelligents, s'ils sont disponibles, n'apprécient pas trop les poupées sans tête. Ils ont besoin de répondants. C'est pourquoi maman méprise profondément ces femmes qui perdent la raison, abandonnant mari et enfant pour suivre un autre homme. Elle affirme qu'une femme doit toujours garder la tête froide, rester vigilante et jamais, jamais tomber amoureuse sans espoir de retour. elle doit garder en permanence une veilleuse allumée, voire une calculatrice. Faustine, si elle n'approuve pas la calculatrice, maman n'est pas à une contradiction près qui dira en d'autres occasions qu'en amour on ne compte pas, en prend de la graine. Elle est certaine d'être très amoureuse de Bernard. Or, elle n'a pas tout quitté afin de le suivre aveuglément, malgré son envie. Est-ce que ça veut dire qu'elle ne l'aime pas tant que ça, en fin de compte? Sans espoir de retour? C'est bien joli, mais est-ce qu'on ne dit pas qu'il y en a toujours un qui aime plus que l'autre? Elle posera la question à France, son amie monitrice d'auto-école. C'est en France est très amoureuse d'un gendarme. Celui-là pourrait enfin être le bon. Les rencontres avec sa complice se faisant plus rares, Faustine est obligée d'attendre que le nouvel élu soit de piquer à la caserne si elle veut sortir avec son ami. Ce samedi soir, France avoue ne pas trop savoir que dire par rapport à Bernard, si ce n'est d'attendre. S'ils sont toujours amoureux à la majorité de Faustine, alors c'est vraiment pour la vie. Bien avancé, pense Faustine, dont la patience n'est pas le point fort. Son ami lui confie à son tour sa grande préoccupation du moment. Trouver une méthode de contraception efficace. Son gendarme, tout amoureux qu'il est, ne veut pas s'entendre parler le préservatif. Cette seconde peau qui atténue les sensations. Pour avoir échoué deux fois à son examen gynécologique, après avoir testé la méthode du Kyusaku Ojinosan, France s'angoisse. Elle hésite à prendre la pilule dont on dit tant de mal, en particulier qu'elle fait grossir. France, qui prend 3 kilos par semaine lorsqu'elle est amoureuse, n'ose pas penser aux conséquences. Elle projette donc d'en revenir au bon vieux procédé de l'éponge imprégnée de savon en guise de spermicide. « Bonne idée, se dit Faustine à qui la pilule, essayée brièvement à balle, n'a pas convenu du tout. » Un soir, les deux jeunes femmes passent à la pharmacie. Hélas, elles tombent sur un pharmacien. Faustine, première en lice, pique un phare en faisant sa demande. « Une petite éponge naturelle, s'il vous plaît. » Certaine que les nombreuses personnes présentes devinent l'usage qu'elle va en faire. Enfin, elle a osé. La voilà désormais pourvue du précieux contraceptif. Elle ne risque plus rien. Bernard peut revenir. À l'atelier, Faustine raconte en riant cette dernière aventure. Or, loin de prendre les choses à la légère, maman est effarée d'apprendre que la jeune femme qui vient de passer 7 jours, et surtout 7 nuits avec Bernard, n'est pas protégée. Elle téléphone aussitôt à son propre gynécologue, un tout vieux toubib paternaliste qui sévit dans les hauts de grâce. Après avoir examiné Faustine, celui-ci lui déclare tout de go qu'elle peut se passer de pilule car une malformation physiologique l'empêchera à jamais d'avoir des enfants. À Faustine, surprise par cette condamnation, maman rétorque « C'est vraiment un vieux macho rétrograde. » Et un malin. Si tu l'écoutes, tu renonces aux précautions. Tu tombes enceinte et te voilà obligée de te marier. Ne t'en fais donc pas. Tu peux être sûre qu'il dit la même chose à toutes les filles, histoire de faire grimper le taux de natalité. On nous le rabâche tous les jours au téléjournal que la France a besoin d'enfants. Le moment venu, tu trouveras la pilule adéquate ou tu seras prête pour ton premier bébé. Voilà tout. Faustine ne se formalise pas une seconde des allégations du vieil homme. Elle sait bien, elle, qu'elle aura des enfants quand elle en voudra. Affaire à suivre.